Bon matin, Myriam. Allô, bon matin. Belle balade en Ontario? Oui, hey, je suis vraiment content. Vraiment, là. Puis, tu sais, Myriam, quand on fait ce métier-là, c'est un peu un gros blind date, je le dis souvent, parce qu'on voit pas notre monde. Hein. Les gens, quand ils nous voient, sont contents. Hey, je suis content de mettre un visage. Mais nous autres non plus, on les voit pas. Et en fin de semaine, je sais qu'on s'est parlé, tout ça. Il y a le stun, il y a le message qu'on veut passer. Mais le contact avec nos auditeurs, là, j'ai adoré ça. Vraiment le fun. Sont bien nos auditeurs. Tu sais, quand on a besoin, on connaît pas tout. Puis, à gang, on sait tout. Puis ça, c'est... Ouais. Arthur disait ça, puis il a raison, puis tout le monde peut le répéter. Mais quand t'as besoin de quelque chose, tu le dis en onde, instantanément, t'as un auditeur qui est capable de te répondre. Et je pense que le Québec, mettons que ça fait partie du fameux mystère, on a une population qui aime se battre, qui n'est pas passive, qui aime s'embarquer. Les gens m'ont dit, hey, s'il y a d'autres choses, Butch, là, on va être là, on veut le faire. Il y a des injustices au Québec, La SAQ n'est pas la plus grande, mais bon, c'en est une. Ça fait partie des affaires qui nous agacent, tout ça. Puis bon, et les gens ont le goût de répondre et de faire de quoi. En fait, Québec est une ville militante et oui. Les auditeurs de radio de Québec sont des militants. Ouais, ils aiment s'embarquer. Et de façon correcte, je le répète, là, les 250 personnes sont rentrées là. À la gang, on a acheté 3000 bouteilles de vin, là, on en a cassé une. Il y en a eu une de cassée, fait que regarde. Les pertes, dans la colonne des profits et pertes, disons que les profits gagnent. Et c'est sûr que si on avait bloqué une rue à Québec, si on avait lancé des roches, probablement qu'on aurait fait la une de tous les médias. Mais bon, quand on fait des manifs qui se tiennent un peu, c'est sûr que les autres médias en donnent peut-être moins d'importance, mais on s'en fout, le message est passé pareil. Myriam, tu veux me parler de la réussite? La prochaine fois, vous refuserez de donner votre itinéraire. Ça a l'air que c'est ça qu'il faut faire. La réussite en France.